بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، donc nous continuons dans l'explication de Duraru al-Bahiyya المسمى بفضل رب البرية للشيخ علي رملي حفظه الله تعالى. À titre d'information, ceux qui ont Maktabat al-Shamila, ce livre est jahiz dans Maktabat al-Shamila المسمى بفضل رب البرية. Donc le livre a été ajouté dans Maktabat al-Shamila. Donc ceux qui ont leur tablette ou bien leur téléphone, ils peuvent directement aller dans Maktab al-Shamila. Ils tapent Fadlu Rabbi al-Bariya, ils vont trouver le livre. Donc c'est ce livre que vous êtes en train de suivre directement sur la tablette. Voyez. Donc nous sommes dans Kitab al-Janaiz. Nous sommes toujours dans le chapitre des funérailles. Et nous avons vu la mas'ala, première mas'ala, c'est Iyadatul Marid. Qu'est-ce que nous avons dit? C'est une sunna ou bien une obligation, ou bien une obligation, mais avec des détails. Non. Une obligation collective. C'est ce qu'on a dit. Tayyib. Donc c'est une obligation collectif. Et la deuxième masala que nous avons vu, le deuxième point, c'est Talqinul Muhtadar Ash-Shahadatayn. Talqin, c'est le fait de lui demander de répéter la Shahada, La ilaha illallah. Et à cela, nous avons dit que ça serait difficile pour un frère de pouvoir profiter à son frère musulman dans cette situation que lorsqu'il lui rend visite quand il est malade, de pouvoir lui faire profiter en ce moment pour pouvoir lui demander de dire Shahadatun la ilaha illallah pendant qu'il est dans la situation de moribond. Tayyib. Ensuite, nous avons dit la manière dont on doit faire ce talqin. Ça va? Il y a beaucoup de paroles à ce sujet. Lakin, le talqin qui est connu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est de demander aux morts de répéter. Il y a d'autres qui disent non, tu ne lui demandes pas de répéter. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à son oncle, Ya'am, kul, la ilaha illallah. Il a dit aux jeunes aussi, qui étaient muhtadar, il lui a dit kul, il a dit de dire. Et nous avons dit que, avec la parole du Cheikh Ali Ramli ici, que s'il dit et qu'il se tait, alors tu ne le rajoutes pas, tu ne parles pas, tu le laisses comme ça, jusqu'à ce que la ilaha illallah soit sa dernière parole. Pas venir lui dire, dis la ilaha illallah, quand il finit de dire, tu commences à entamer d'autres causeries avec lui. Là. Liyakuna la ilaha illallah akhiri kalami. La ilaha illallah doit être sa dernière parole. Maintenant, si tu lui dis de dire la ilaha illallah et qu'il le dit, mais après cela, il te dit mes enfants, ma maison, mon magasin, ainsi de suite, tu répètes encore la ilaha illallah. S'il change de discussion, après avoir dit la ilaha illallah, tu répètes encore. Tu lui dis de dire. S'il dit et qu'il s'était, tu le laisses ainsi. Mais s'il change de discussion, tu le répètes encore. Voyez. Ensuite, Wataoujihu, on a vu cette masala qui est le fait de le diriger pendant qu'il est dans le ikhtidar, dans ses stations de décès. Il n'est pas encore mort. Qu'est-ce qu'on a dit? Le fait de se diriger, de le diriger. Jaiz amla, Oustaz. C'est pas correct parce que Il n'y a pas de dalil. Le dalil qui est qiblatukum hayyan ou mayyita, votre qibla hayyan ou mayyita, alors hayyan pour ceux qui prient, ou mayyita, ceux qui sont morts, on les enterre en les dirigeant vers la qibla. Mais le moribond, celui qui est dans le ihtidar, celui-là, il n'est pas en train de, yani n'est pas dans le, il n'est pas mort, n'est-ce pas? Il est entre la vie et la mort. C'est ça? Tayyib. Ensuite, la masala que nous avons vue, la quatrième masala dans le kitab, Janaïs, on a vu wa tagmiduhu idha mat. Ma mana tagmid? Non. Tagmiduhu. Fermer ses yeux s'il meurt. Et sur cela, nous avons vu hadith de Umm Salama qui montre que le messager d'Allah a fermé les yeux d'Abi Salama lorsque l'âme a quitté le corps. Et il a dit Inna ruha idha qubida tabi'ahu al-basar. L'âme, lorsqu'il sort, le regard suit l'âme. L'âme. Oui, c'est venu, oui, on a parlé de cela la fois dernière. Au sujet de l'imam Ahmad, rahimahullah, lorsque son fils lui disait Ya Abi, qul la ilaha illallah, il disait La ma ba'du. Il dit pas encore. La, non, ma ba'du. Pas encore. Et lorsqu'il s'est retrouvé, son père, son fils lui a demandé. Parce que ça peut arriver que, parce que d'autres personnes peuvent se dire, non, mais si je lui dis de dire la ilaha illallah, et il se retrouve, on fait comment? Il va penser que moi j'ai voulu le tuer. N'est-ce pas? Il y a d'autres personnes qui peuvent penser cela. Si tu le vois dans une situation inhabituelle, commence à lui dire de dire la ilaha illallah. Même s'il va se retrouver après la base, un bon croyant verra en toi quelqu'un qui est sincère, quelqu'un qui veut son bien. Tayyib. Non, mais un sorcier lui verra en toi quelqu'un qui voulait le terminer. N'est-ce pas? Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque Imam Ahmad il s'est retrouvé, son fils lui a demandé, mais pourquoi quand je disais dis la ilaha illallah, il disait la ma ba'du. Il dit le shaitan est venu. Il a dit futani Ahmad. Il dit, Ahmad m'a éprouvé. Et moi, je lui disais, là, ma ba'du, pas encore. Je ne t'ai pas encore éprouvé. Jusqu'à ce que Allah saisisse mon âme sur la sunna. C'est là que je t'aurai vraiment éprouvé. Quand j'ai tiré les serviteurs d'Allah vers la sunna, pendant que toi, tu les tirais vers les carrés. Allahu Akbar. Qu'Allah nous accorde la sincérité. Non. Donc, ensuite la masala qu'on a vue, wa qira'atu yasin, allez, le fait de réciter surat yasin sur le mort, ou bien sur le moribond, c'est ba'da mauti. C'est ça? Avant de le mettre dans la tombe, réciter surat yasin. On a dit que tous les ahadiths qui sont venus à ce sujet sont des ahadiths. Daïf. Donc il n'y a pas de preuve. Toyib. Donc la masala que nous allons voir aujourd'hui, c'est la cinquième masala, c'est ça? Cinquième. Qala al-mu'allif rahimahullah. L'auteur du livre, il dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, wal-mubadaratu. Al-mubadara, c'est se dépêcher. Bitajhizihi, à le préparer pour l'enterrer. Tajhiz, c'est qu'à l'abin. Préparer le mort pour l'enterrer. Illa, sauf l'itajwizi hayatihi. sauf si on veut se rassurer de sa vie. Tayyib, s'il est toujours vivant ou bien il est mort. Comme ça, on peut lui laisser pendant un temps pour voir. Surtout, il y a des gens qui ont l'habitude d'avoir des comas. Tayyib. Et dans cette situation, souvent, les gens pensent qu'ils sont morts. Tayyib. Donc, si on veut maintenant se rassurer s'il est réellement vivant, c'est ce qui est illa bitajwizi hayati. Yani, za'aradna an nujawwiza hayata. On veut savoir s'il vit toujours ou bien il ne vit pas. Aïe, c'est-à-dire, mina sunnati, fait partie de la sunna, al-isra'u, de se précipiter, fi tajhizi al-mayyit, de préparer le mort, bitaghsirihi, en le lavant, wa takfinihi, et en l'ensevelissant, c'est-à-dire l'ensevelir, mettre du. On appelle ça comment en français? Linceul. L'habiller du linceul, wadafnihi, et l'enterrer. Illa, sauf, izahtamalna, si nous avons supposé, an yakuna hayyan, qu'il soit vivant. Walam nakta'akkad min mawtihi, mais on n'est pas sûr de sa mort. Fala nasra, on ne se précipite pas, fi tajhizihi, en le préparant comme ça, de Allah natfanuhu wa wahai, pour ne pas qu'on l'enterre pendant qu'il est vivant. Souvent dans les villages, cela arrive. Et il y a souvent des jeunes ou des enfants qu'on les donne un autre nom. Parce qu'on dit qu'il est mort et puis il s'est réveillé. Et souvent on les accorde un certain pouvoir. Dans les villages, cela arrive beaucoup de fois. Voyez, souvent, ils font où ils ne respirent plus. Donc, on se dit qu'il est mort, mais on ne fait pas attention si son cœur continue à battre ou pas. Parce que souvent, c'est difficile. Quand les gens ils sont ignorants, souvent, ils ne savent pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent, après, ils le lavent. Quand ils le lavent, ils voient qu'il ne bouge pas. Après, ils mettent du linceul sur lui. Ils voient qu'il ne bouge pas. Ils l'emballent dans la natte. Ils voient qu'il ne bouge pas. Ils le prennent, ils vont le déposer. Ils prient sur lui. Ils voient qu'il ne bouge pas. Et c'est au moment où ils sont prêts à le mettre dans la tombe que le monsieur maintenant il crie. Ah non. En ce moment-là, tout le monde se cherche. Qui va rester là-bas. Donc, ils appellent ces enfants-là d'un autre nom. Moi, j'avais même un ami qui avait subi cela deux fois. Deux fois. C'est-à-dire, lorsqu'on devait l'enterrer, c'est la première fois lorsqu'on devait l'enterrer, il s'est réveillé. La deuxième fois, c'est quand ils étaient en train de le laver. Qui s'est réveillé? Dans ce moment, cela arrive. Voilà pourquoi le cheikh, il a précisé ici, il a le tajwizi hayati. Parce qu'il arrive que souvent, il y a des gens qu'on enterre, ils ne sont pas encore morts. Après, ils se réveillent dans la tombe. Ah bon? Non? Non? Un type de serpent, quand il te pique, il te paralyse. Alors qu'ils étaient encore vivants. Le serpent. À l'hôpital. Aïe, Oui, et puis s'est levé. Mais en ce moment, c'est trop tard, il ne peut plus s'élever. Il y a déjà du sable sur lui, il y a des briques. Là, c'est fini, il reste là et puis il meurt. Là-bas, quand ça y est, non. Ça, c'est un mot qui est très difficile. Ça nous préserve de cela. Donc, Nam, qui levait la main, Nam Abdelaziz. Personne ne peut savoir que son frère est vivant et puis l'aller l'enterrer. Ils n'ont pas de péché pour ça. C'est un ijtihad qu'ils ont fait. Ils ont vu qu'il était mort. Ok? Non. Non. Donc, wal ahadith. Donc, il a dit Fala nasra fi tajhizihi. On ne se précipite pas pour préparer le mort. Pour l'enterrer, li Allah nadfanu wa huwa hayy. Pour ne pas que on l'enterre pendant qu'il est vivant. Wal ahadith allati istadalla biha al muallif. Les hadiths que l'auteur s'est basé dessus. La majorité des hadiths qui disent que il faut se précipiter pour préparer le mort pour aller l'enterrer. Tous les hadiths sont da'if. La tasir. Wala yuhtaju biha. On n'argumente pas avec cela. Da'afaha at-Tirmizi. L'imam Tirmizi a rendu da'if. Wal Hafiz. Ainsi que l'imam Hafiz. Wa ghayrihima. Et autre que cela. Walakin al-Isra bi tajhiz. Mais se précipiter à préparer le corps. Afdol est meilleur. Khashiyatan par crainte. An yataghayyar al-mayyit. Que le mort commence à se décomposer. Par crainte, pour ne pas qu'il commence à se décomposer, on l'enterre. Wa asahu mastadalla bihi man qala bisunniyati isra. La parole la plus authentique, dont c'est basé dessus ceux qui ont dit qu'il faut se précipiter pour le préparer, c'est-à-dire préparer le mort pour aller l'enterrer, c'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit fa asra'u aw asri'u bil janaza. C'est-à-dire, précipitez-vous avec la janaza. Mais ici, il a dit janaza. Wal muradu bizalika inda hamlihi. C'est-à-dire, ce qui est voulu ici, c'est lorsqu'on le porte. On porte le mort. Wazahab bihi ila qabrihi. Et qu'on va avec lui vers sa tombe. Lal isra min al bidaya. C'est pas se précipiter depuis le début. طيب وان كان الحديث يحتمل ذلك même si le hadith peut comprendre cela لكن سياقه mais la conduite du hadith يدل على ان المراد من الاسراء veut dire que ce qui est voulu de se précipiter à la riqab après l'avoir porté sur le cou. Ça va, c'est ce qui est même une sunna, porter le mort sur le cou, c'est ce qui est une sunna. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه إما أن يكون خيرا فتقدمونها إليه. Soit il est dans un bien et vous précipitez pour l'amener dans ce bien. أو شرا ou bien أن يكون شرا. Ça soit un mal فتضعونه عن رقابكم. Et vous vous débarrassez de lui et vous le déposez rapidement. Donc ici, le hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim et c'est le hadith de Abu Hurayra. فَقَوْلُهُ تَدَعُونَهُ أَنْ رِقَابِكُمْ. Vous le déposez pour l'éloigner de vos coups. قَرِينَةٌ تَدُلُّ. C'est un rapprochement qui indique à la أَنَّ الْأَمْرُ بِالْإِسْرَى que l'ordre qui a été donné de se précipiter, c'est عِنْدَ الْحَمْلِ. C'est lorsqu'on porte à la riqab. Parce qu'il a dit tada'ounahu an riqabikum. Toyib. Wa hadha al-ma'na huwa alladhi dhakarahu ba'du ahli al-ilm. Et c'est ce sens que certains savants ont mentionné. Vous avez compris? Wa hadha huwa Allahu a'lam asah. Toyib. Allahu a'lam. Mais le plus correct c'est que on doit se rassurer d'abord. s'il est réellement mort. Si on a al-yakin, la certitude qu'il est réellement mort, alors en ce moment on fait quoi? On le prépare et puis maintenant lorsqu'on le porte maintenant pour aller dans sa tombe, c'est en ce moment qu'on se précipite. Voyez? Non. On peut faire quoi? Courir, on dit de se précipiter, on n'a pas dit de courir. S'il tombe en route, ça dit quoi? Hein? Si le corps il tombe en route. Oui, presser, l'Isra c'est connu dans la langue arabe. C'est de presser les pas. Toyib. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nous allons dans la sixième masala. Wal-qada'u lidaynihi. Maintenant, on rembourse sa dette. C'est-à-dire, mina sunnati aydon, fait partie de la sunna, al-mubadaratu bil-qada'i daynihi, lidaynihi. C'est se précipiter à rembourser sa dette. Voilà ce qui est important. Tayyib. Mais les gens ne pourront pas savoir si tu as réellement des dettes si tu n'as pas écrit. Tayyib. Tu n'as pas écrit dans ton testament. Quand on dit testament, même c'est ça. D'autres pensent que testament, c'est d'écrire telle chaussure, on doit donner à mon fils telle. C'est pas ça le testament. Ok? Le testament, c'est d'écrire ce que tu dois aux gens, ce que les gens te doivent. Ok? Et aussi, ce que tu as mis en garant. Ok? Écris tout cela. Comme ça, si tu décèdes, ça serait plus facile pour les gens de rembourser ta dette. Aujourd'hui, alhamdoulilah, les musulmans, sur ce côté-là, même les innovateurs, ils n'amusent pas avec ça. On dit, il a telle dette. Tu vois, tous les quartiers se rassemblent et puis on paie. Ça, c'est une ni'ma d'Allah aujourd'hui. Fayyib, dans la testahi, en taktouba. N'est pas honte d'écrire. Ok? Wa min al-ulama, il y a des savants même qui disent même ce que tu as volé. Oui. Tatahallaluhu. Même ce que tu as volé, tu écris, j'ai volé tant. C'est mieux qu'on sache que tu as volé. Que tu rembourses. Qu'on t'aide à rembourser à la personne. Que le jour de Yom Al-Kiyama, il va te prendre tes bonnes actions. Allez, c'est catholique. Ils disent même ce que tu as dérobé. Donc, si tu peux faire Hila, tu peux essayer de mettre, donner telle somme à telle personne. Sans mentionner ton vol. Wa'ada afdal. Ça va? Par exemple, tu as dérobé. Qu'Allah nous préserve du vol. Ok, mais si tu as un passé qui est mashoun, qui est un peu noir, et que tu sais que tu as pris l'argent de Fulan ou Alan, écris dans ton testament, donner telle somme à telle personne. Adaya, Tamil, ça peut comporter comme si vous, voilà, s'il n'est pas là, on peut donner à ça, à ses descendants, c'est-à-dire à ses hérité. Ça va? Mais c'est mieux de se débarrasser de cela de ton vivant ou bien tu écris juste après ta mort. Mais il y a des gens, ils décèdent, ils n'ont rien écrit. On n'a pas besoin. Prends un papier. Tu écris tout ce que tu dois aux gens. Tout le monde se connaît. Tu écris. Ce que tu as dérobé aussi là, tu écris. Tu dis donner à telle personne. Et puis tu déposes. Tu dis à ton épouse, que le jour où je ne suis pas là, regarde dans telle chose, tu verras mon testament. Voyez, si tu veux aussi, tu mets dans ton téléphone. Aujourd'hui, avec les notes, les trucs, on peut sortir dessus facilement. Donc, tu demandes à ce que, si tu n'es pas là, qu'on regarde dans cela. C'est plus facile pour toi que de faire plus de 1000 ans sous la terre, en train d'être châtié, dont la tombe se rétrécit sur toi pour des têtes. Est-ce que vous comprenez? Qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc, وَالْقَدَاءُ لِدَيْنِهِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قال le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم امتنعَ il s'est empêché من الصلاة de prier على الميت الذي عليه دين. Regardez la gravité. Le mort qui a une dette. Hatta iltazama bizalika ba'd as-sahaba. Jusqu'à certains sahabes ont dit, nous on va payer. Fasol alayhi. Il a prié sur lui en ce moment. Vous comprenez ça? Il faudrait que vous sachiez que la dette, la manière de le prendre même en islam, c'est quelque chose qui nous préserve beaucoup. Ça va? Les gens ont une habitude d'aller prendre une dette. Ils prennent entre eux et celui qui a donné la dette. Il n'y a pas de témoin. Le jour où lui meurt, il est mort avant toi. Tu n'as pas encore payé sa dette. Et que toi tu meurs, qui saura que tu lui dois? Hein? Personne. N'est-ce pas? Alors, tu seras châtié pour l'éternité, c'est-à-dire pendant tout ton parcours dans la tombe, parce que c'est un parcours aussi. Tu, dans ta tombe, tu seras châtié jusqu'au jour de Yom Kiyama, à cause de ça. Mais s'il y avait quelqu'un qui savait que tu lui devais, la personne pouvait se lever pour rembourser, ou bien aller voir les musulmans, ils vont rembourser ta dette. Et tu seras déchargé de cette dette. On peut te rembourser même la dette dans Zakat. Ou bien. Mais Allahu Musta'an. D'autres pensent que l'ordre qui est venu dans le Coran, c'est pour juste. Non, c'est pas pour juste cela. C'est pas pour juste manque de confiance. C'est pas ça. Il y a beaucoup de choses dont ça implique. Le fait que des gens vont savoir que tu devais telle personne. Il y a cela aussi. L'ordre qui est venu dans le Coran, c'est quel ordre? Allah dit Ya ayyuhallazina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin. Il a dit quoi? Factobo. Si vous contractez une dette jusqu'à un délai bien précis, écrivez. Écrivez. Faliyaktub baynakum katibun bil adli. Et Allah dit wala ya'ba katibun an yaktuba. Celui aussi qui sait écrire ne doit même pas refuser d'écrire. Hein? Après avoir écrit maintenant, il faut avoir combien de témoins? Hein? Shahidain min rijalikum, parmi les hommes. Fa in lam yakun shahidani fa rajulun wa imra'atan. Un homme et deux femmes. Deux femmes prennent la place d'un homme. Ceux qui disent égalité là. Hein? Ensuite, Allah dit quelque chose de très important ici. Certaines personnes peuvent dire c'est 1000 francs il a pris, c'est 2000, c'est 5000, on n'a pas besoin d'écrire cela. Allah dit voilà, tasamu, ne vous lassez pas en taktubu d'écrire cela. Sahiran ou kabira. Que ce soit petit ou petite somme, tu n'écris pas. 100 francs tu dois à quelqu'un, tu peux châtier de cela dans la tombe. Nasallallahu alayhi wa sallam. Ana ushaddid, j'insiste sur le côté de dettes. J'insiste beaucoup dessus. Parce qu'il y a des frères, Allah Musta'an, c'est-à-dire, yastaghfuna bihada. Il néglige cela tellement que lui-même, il est prêt à aller prendre dette. Et la personne vient, la personne dit, je n'ai pas d'argent pour faire. Il dit, attends, je vais prendre dette pour te donner. Il prend dette pour venir endetter quelqu'un. Non. Qui voulait parler? Non. Non. Anala Adrian. J'ai pas vu de parole claire dessus venant des savants. S'il est dans le péché ou pas. Anakoulia, il a laissé un ordre. Non. Non, demandez si quelqu'un lui doit. Anala Mara y touché en Aulaz. Je n'ai pas vu quelque chose autour de cela. Mais on sait qu'on doit se rassurer si la personne a une dette. Voilà, la manière de le faire, la Adri Anahaza. Mais, comment? Ça, c'est avant. Oui, avant de l'enterrer, bien sûr. Avant même de prier, même sur le corps. C'est important de savoir s'il a des dettes ou pas. Parce que si, dans les hadiths, le prophète a demandé. Ça va? Il a demandé ou pas? Il a demandé ici. Regardez ici. Il a dit, Kamadja fi hadith Salama ibn al-Aqwa fi sahih. Il dit, Kunna julusan inda Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Faqalu salli alayya. Ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier sur le corps. Toyeb. Il a dit d'abord, Hal alayhi dayn, est-ce qu'il a une dette? Il a demandé ou pas? Hein? Qalu la, ils disent non. Qala fa hal taraka shay'an, est-ce qu'il a laissé quelque chose? Qalu la, il n'a rien laissé. Il n'a pas de dette, il n'a rien laissé. Fa salla alayhi, il a prié sur lui. Tayyib. Summa utiya bi janazatin ukhra. Ensuite, ils sont venus avec un autre corps. Qila na'am, on lui a dit oui. Qala fa hal taraka shay'an, est-ce qu'il a laissé quelque chose? Qalu salasat dananir, il a laissé 3 dinars. Fa salla alayhi, il a prié sur lui, parce que le dinar li annahu wa in kana alayhi dayn lakin wujida ma yaqdi bihi dayna, quelque chose, on a eu quelque chose pour rembourser sa dette. C'est point, c'est important sur ce côté là de savoir que même lorsqu'on parle de Al-Waratha, de l'héritage, c'est après avoir remboursé les dettes. Voyez, c'est très très important. Pas de ce que nous voyons aujourd'hui, où les enfants, ils disent, tiens, nous on ne leur a pas demandé de prendre dette. Donc, on ne va pas rembourser. Et je vous ai même raconté une qissa ici, dans l'un de mes dars. Voilà, qu'il y avait un monsieur comme ça qui avait plus de 10, il avait 10 immeubles, quelque chose comme ça, avec des boulangeries. Mais il devait 100 millions. Immeuble à 13 juillet, ça dépasse 100 millions. Hein? Ou bien, il pouvait vendre un pour rembourser la dette de leur père. Mais ils ont dit que le vieux. En tout cas, il a fait pour lui aussi. Donc, ils vont se partager. Et puis, ils vont payer 1 million dans la dette par an. Hein? Ils sont méchants. Hein? S'ils avaient dit même 1 million par mois, j'aurais dit même ils sont méchants. Parce que en 100 mois, n'est-ce pas? Mais un, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils vont mourir. Et les enfants, c'est eux qui vont continuer à rembourser la dette du vieux. Auzubillah. Donc, c'est très important de comprendre cela. Lorsque la personne décède, on rembourse toutes ses dettes d'abord. Ce qui va rester, ça qui va rester comme héritage. Naam. Non. Non. نعم نعم نعم Ce n'est juste qu'un rêve. Non, ici c'est compliqué, il ne peut pas retourner. Si tu as dérobé quelque chose, un terrain, et surtout, affaire de terrain, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tamaman, sur le vol de terrain. Vous comprenez, il y a des hadiths qui sont très durs dans ce sens-là. Mais si tu as volé une terre, Shibran, c'est-à-dire un pan, tu seras châtié durement pour cela le jour de Yom Kiyama. Qu'en est-il d'un terrain complet de 500 mètres carrés? Tu voles, et puis ta famille vit dessus. Tu veux mettre ta famille à l'aise. Mais la réalité, quand tu meurs, c'est toi, tu es dans le problème. Même si on demande à ta famille de retourner ce terrain-là au propriétaire, ils ne vont pas l'accepter. N'est-ce pas? Et en ce moment, c'est toi-même qui te mets en danger. La réalité, c'est que quand tu éduques tes enfants, ta famille, tu les éduques sur la sunna, le manhaj salafi, beaucoup d'entre eux, ils vont être bénéfiques pour toi même après ta mort. Mais si tu as appris à tes enfants la dunya, vous savez, les parents, aujourd'hui, depuis l'enfance, ils apprennent déjà la dunya à l'enfant. Pourquoi ils le mettent à l'école française? C'est pourquoi? Tu vas devenir quoi demain? L'enfant dit, je vais devenir médecin. Tu es en train de l'apprendre quoi? Hein? Dunya. Tu lui demandes pas s'il va devenir bonne personne. Hein? Hafizul Quran, Hafizul Ahadith, devenir comme les salaf. Il veut devenir médecin, il veut devenir ministre, pilote. Depuis les petits, tu l'enseignes ça. Va à l'école, hein, c'est pour que tu gagnes l'argent. Ok? Quand cet enfant grandit, toi tu lui as laissé héritage. Il pense que cet héritage-là, il va vendre pour tout rembourser toi ton. Toi ta dette. Hein? D'autres même sont tombés malades. Les enfants ont commencé à partager l'héritage. Ou bien, hein? D'autres disent, voilà, ça c'est pour toi, ça c'est pour moi, ça c'est pour lui, ça. Le vieux, il est là. Il est entre la vie et la mort. Personne n'avait espéré qu'il allait vivre. Personne. Voyez. Mais Allah subhanahu wa ta'ala yashfi man yasha, il guérit qui il veut. Souvent le malade, le docteur est en train de faire l'effort pour guérir le malade et il dit non, son cas est désespéré. Le docteur même dit son cas est désespéré, mais Allah fait que le docteur même meurt, le malade s'élève. Allah yafalu ma yasha. Donc le vieux s'est levé. Quand il s'est levé, il a guéri. Hein? Il a vendu tous ses biens, les cours, les voitures, il a tout vendu. Et il dit à ses enfants, allez chercher pour vous. Il allait s'installer au village. Ah. Lui, alhamdoulilah, Allah lui a montré. Mais la réalité, aïwal ikhwa, quand Allah nous préserve sur la sunna, ce que tu enseignes à tes enfants, c'est sur cela qu'ils grandissent. Tayyib, si tu les enseignes l'amour de la dunya, ils ne vont rien faire derrière toi si ce n'est que la dunya. On a vu des gens qui ont construit une mosquée. Je vous dis, des gens qui ont construit une mosquée, mais ils n'ont rien montré à leurs enfants. Quand ils sont décédés, les enfants ont saisi la mosquée et ils ont transformé en maquis. Est-ce que vous comprenez? Non. Non. C'est-à-dire celui qui a pris en premier. Celui-là, il rentre dans Al-Ghamirin, généralement. Al-Ghamir, c'est celui qui prend une dette pour aider un endetté. Par exemple, tu vas trouver deux personnes, ils sont en train de discuter. L'autre dit, il me doit 100 000. L'autre dit, oui, je reconnais que je dois, mais je ne peux pas payer actuellement. L'autre dit, tant que tu ne payes pas, je t'envoie à la justice. Et ils vont t'enfermer. Toi maintenant, étant quelqu'un qui veut le débarrasser de ce truc-là, qui veut aider son frère, tu lui dis, ok, s'il te plaît, laisse-le. Moi, je prends l'engagement de payer sa dette. Est-ce que tu comprends? Et même si toi, tu es allé prendre une dette pour venir payer sa dette, Hadha Mahmoud, celui-là, il est parmi, celui qui a fait cet acte-là, il est parmi les masarif ou zakat, ceux à qui on doit donner la zakat. Même si c'est son propre argent, il a pris pour aider l'autre, on lui donne, même s'il est riche, on lui donne la zakat. Pourquoi? Pour l'encourager, pour le bien qu'il a fait. Toyeb, Nam, qu'Allah nous accorde la compréhension. Ensuite, Otiyabi Janazatin, ils sont venus avec une autre janaza. Bisalas, Bisalis, avec un troisième. Faqalu, Salli Aleina. Ils ont dit au messager d'Allah sur la sainte de prier sur lui. Il a posé la question, est-ce qu'il a laissé quelque chose? Il n'a rien laissé. Est-ce qu'il a une dette? Il a 3 dinars de dette sur lui. Mais il n'a rien laissé. Il n'a rien laissé, mais il a une dette. Priez si votre frère. قال أبو قتادة أبو قتادة دي صلي عليه يا رسول الله أبو قتادة دي برسولي أمي سجد الله وعلي دينه اي موا جرمبو ساتت فصلى عليه صلى الله عليه وسلم لمي سجد الله صلى الله عليه وسلم أبريسولي في هذا الباب قال المؤلف دون نصر شابير لوتار دي Rahimahullah, mina sunnati al-mubadaratu. Fait partie de la sunna de se précipiter le qada idayn al-mayyit pour rembourser la dette du mort. Hatta yarfa'u anhu al-ism pour lever sur lui le péché wa tabra'u bihi zimmata minhu pour qu'il soit débarrassé des charges. Naam. Non. Oui. Bizarre le hadith, c'est un péché pour lui. Voyez? Parce qu'il sera châtié pour cela. La dette en elle-même n'est pas. Prendre une dette n'est pas quelque chose qui est interdit. C'est pas interdit, c'est permis. Et Allah a autorisé cela avec des conditions. Mais lorsque la personne ne rembourse pas la dette et qu'il meurt avec, c'est le droit de quelqu'un qu'il a sur lui. Et ce droit-là, il sera aussi châtié pour cela jusqu'à ce qu'il rembourse le droit de son frère. Toyib? Non. Sahibikum. Non. Qatada. Il dit prie sur lui. le prophète Sassam lui dit, prie pas sur lui, mais les autres peuvent prier sur lui. Oui, c'est pour montrer la gravité au fait de ce qu'est la dette. On peut prier sur lui. Mais l'imam peut décider de ne pas prier sur lui. Pour que les gens voient la gravité de la dette. Voyez. Et Abu Qatada a dit, Ya Rasulallah, prie sur lui. Et moi, je m'occupe de sa dette. Tu comprends maintenant? Non. Non, l'imam seul peut décider de ne pas le faire. C'est-à-dire une grande personnalité, lui décide de ne pas le faire pour montrer la gravité de ce qu'il a fait. C'est-à-dire le fait de mourir avec une dette pour attirer l'attention des autres musulmans. Parce que le désir de tout bon musulman, c'est qu'une autorité musulmane, qui est un imam, un modèle, à lui, prie sur son corps. N'est-ce pas? Mais s'il refuse de prier sur le corps, les gens sauront que c'est quelque chose qui est un peu grave. Non. Oui, il peut refuser pour des kaba'ir, pour des grands péchés. S'il a besoin de mettre sur des grands péchés, il peut refuser de prier sur son corps aussi. Il y a des hadiths qui viennent dans ce sens-là. Non. Oui, oui. On peut déjà prier sur lui s'il prend l'engagement. Ça va? S'il prend l'engagement, c'est-à-dire que le péché ou ce qui est sur lui est quitté sur lui et c'est l'autre maintenant qui prend la charge. C'est-à-dire que directement, c'est comme on fait un déplacement. Ce n'est plus sur lui. Même s'il n'a pas encore remboursé, même s'il fait des mois même, sans rembourser, c'est sur lui. Ça va? Et quelqu'un venait après des années et l'a mentionné. Oui, on paye sa dette. On se rassure s'il a réellement pris. Parce qu'il y a des fauteurs de troubles aussi. Il y a des gens qui viennent et disent que il me doit. Alors qu'il ne lui doit pas. Mais il est venu chercher l'argent. Parce qu'il y a des gens, ils ont tellement le cœur dur. Subhanallah. Comment venir dire que quelqu'un te doit alors qu'il ne te doit pas à cause de. Hein, l'argent. Donc on va terminer cette partie. Toyib. وَقَدْ كَانَ هَذَا فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ. Mais écoutez très bien maintenant. Ça c'était au début de l'islam. Ça va? وَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Lorsque Allah a donné de l'ouverture au prophète صلى الله عليه وسلم, قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ. Il dit Auna ana aula bil mu'minina bi anfusihim. C'est-à-dire, moi je suis maintenant celui qui est le garant des croyants. Faman tufiya min al mu'minin fataraka deynan. Celui qui meurt parmi les musulmans et laisse une dette derrière lui, fa alayya qada'uhu. Il dit c'est moi je me charge de sa dette. Waman taraka malan. Celui qui laisse de l'argent. Fali warasatihi, c'est pour ses héritiers. Voyez, ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Aïtu wa bahastu anhu, ce que j'ai vu et j'ai cherché, c'est que cela ne veut pas dire mot la compte que tous ceux qui meurent avec dette, que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le garant de cela. Si c'est ça, là, tout le monde va prendre dette. Mais la réalité, ça veut dire le hadith. De ce que j'ai vu, veut dire que la personne qui meurt, alors on doit prier sur son corps. On ne doit pas refuser de prier sur son corps parce qu'il a une dette. Voyez, on doit prier sur son corps, l'imam doit le faire, mais La dette doit être remboursée. Mais ça ne veut pas dire que c'est le professeur Lassane qui prend la garantie de ces dettes-là. Donc voilà pourquoi le hukum n'est pas levé. Le hukum de rembourser la dette n'est pas levé. Mais ça veut dire quelque part que il faut prier sur le corps. Voyez. فَيَسْتَحِبُّ الْإِسْرَى بِقَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِّتِ. C'est préférable de se dépêcher de payer la dette du mort. C'est compris? On va voir une dernière mas'ala. وَتَسْجِيَتِهِ. قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَتَسْجِيَتِهِ وَتَسْجِيَتُهُ. Ça va? تَسْجِيَة, c'est تَغْطِيَتُهُ. Fermer le mort lorsqu'il décède. Ça va? Après avoir fermé ses yeux, alors on prend un drap pour le fermer. Wa yusannu taghtiyatuhu ba'da an takhruj ruha. Après que son âme est quittée, oh, c'est une sunna de le couvrir bi sawbin yasturu jami'a badani. Un vêtement qui ferme tout son corps. Illa idha kana muhrima. Sauf s'il est dans l'ihram. C'est-à-dire, il est un vêtement de ihram pour le hajj ou bien pour la umrah. Voyez, les hadiths de Aïcha, à cause des hadiths de Aïcha qui dit Annahu alayhi salatu wa salam hina tufiya sujiya bi burdatin jibra. Il dit lorsque il est décédé, le prophète, il a été couvert d'un vêtement, burda, c'est saubun yamani mukhattat. C'est un vêtement yéménite qui a des traits. Ça va? Wa amal muhrim, quant à celui qui fait le ihram, faqad qala alayhi salatu wa salam, la tukhmiru ra'sa, ne ferme pas sa tête, wa wajhahu, et son visage. فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا. Il sera ressuscité le jour de l'Qiyama dans l'habit de l'Ihram. En termes de faire labaïk, Allahumma labaïk. Yani, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite ce genre de décès-là. Car c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala saisisse notre âme même dans cet endroit-là. Makkah tul Muharram ou Madina tul Rasulillah. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi ceux qui sont enterrés dans le cimetière de Baqir. Yani, c'est-à-dire, ne fermez pas son visage et sa tête. Fa'inahu, il va s'élever le jour de Yom al-Qiyamah. Moulabbiyan. Maintenant, la parole Wawajihahu, c'est une riwaya qui vient de l'imam muslim. Et dans l'authenticité de cette riwaya, il y a une discussion. Voyez, voilà, on peut se baser sur le fait de ne pas fermer sa tête, mais son visage. Alors, kulaha kulaha zayat khulfi. Hatta cette riwaya même, il y a kalam dessus. Mais, le hadith montre qui sera ressuscité le jour de Yawm al-Qiyamah Moula Bian. Moula Bian n'a pas la tête couverte, même le visage. Voyez. Donc, on va s'arrêter sur cela. Ou bien on va terminer. On va terminer. Voyez. On a encore le temps. Ok. Qala al-mu'allif rahimahullah. L'auteur du livre, il dit qu'Allah lui fasse miséricorde. Wa yajuzu taqbiluhu. Il est permis de l'embrasser. D'embrasser le mort. Quand je dis embrasser, voilà, bise, sur sa tête. Hein? Ayyajuzu takbil al-mayyit. C'est permis d'embrasser le mort, c'est-à-dire de lui donner un. Hein? L'époux est. Oui. ce qui est venu dans la sunna, c'est cela. Hein? Mais une femme qui est voilée, qui est décédée, alors celle-là, hayyan wa mayyitan, il n'est pas permis à ceux qui n'ont pas vu son visage, étant vivante, de voir aussi son visage étant décédé. Voyez. Voilà, donc c'est de faire attention. Et moi, c'est ce conseil-là que je donne souvent aux frères. Les frères, apprenez à vos femmes, c'est pas difficile. On va voir comment laver le corps. Apprenez à vos femmes de laver le corps. Lorsque vous ne serez pas là, elles vont se charger de cela. Au moins, quelqu'un ne va pas avoir votre nudité. Au moins, quelqu'un ne va pas avoir des secrets venant de vous. Voyez. Et aussi, vous aussi, sachez laver le corps. Pour que demain, si votre épouse n'est pas là, vous puissiez laver son corps. Et l'ensevelir aussi. La préserver. Voyez. Et ne pas accepter que tout le monde rentre sur elle. Qu'Allah nous préserve. Donc, apprenez cela. Ignorance. Non. Que c'est lui-même qui donne l'autorisation de venir laver le corps de sa femme, de venir l'aider. Est-ce que laver le corps c'est difficile? Hein? C'est pas compliqué ou? Si tu ne sais pas laver là, tu prends l'eau, tu verses sur tout son corps. Il t'a le mot doux. Tous les autres là, c'est des détails. Oui. C'est Djana là. Hein? Mais l'ignorance, comme on nous a relaté comme ça, un tablique, des tabliques sont allés en sortie. Il y a quelqu'un qui est décédé là-bas. Allahu al-musta'an. Comment ils vont faire pour le laver? Comment ils vont faire? Ils sont quittés là-bas avec le corps pour venir jusqu'à Abidjan pour qu'on lave le corps. Hein? Après, quand on va les dire, non, apprenez la science. Non, il ne faut pas rentrer dans la divergence des quatre grands imams. Qui t'a dit de rentrer dedans même? Toi, tu connais quoi? Et puis, tu es rentré dedans. Anta Mokalid, toi, tu es là pour suivre seulement. Toi, tu es rentré dedans comment? Tu connais quoi? Yajouzou Takbir al-Mayyit. C'est permis d'embrasser le mort. Dans l'authentique, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, qabbal al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Il a embrassé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa tête. N'est-ce pas? Hein? C'est sahih ou pas? Ba'da mawtihi, après sa mort. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Wa ala al-marid an yuhsina az-zanna bi rabbihi. Oui. Le malade, lorsqu'il est dans cette situation et qu'il sait que c'est fini pour lui, il va quitter cette vie d'ici-bas pour aller dans l'au-delà. Il doit avoir une bonne opinion d'Allah. Il ne doit pas désespérer. Il doit même avoir une bonne opinion et être positif. Et se dire que Allah va lui pardonner. Et avoir une bonne opinion d'Allah. وَذَلِكَ à cause de la parole du prophète sur l'Aïssan qui dit لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُخْسِنُ الظَّنِّ بِرَبِّهِ. Allahu Akbar. Il dit que l'un d'entre vous ne meurt que lorsque il aura une bonne opinion de son Seigneur. C'est-à-dire que tu ne dois pas mourir sans avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa zalika ay ihsanu dhanni billah. Il doit avoir une bonne pensée d'Allah. Bi an yuqina. Il doit avoir la certitude bi anna Allah tabaraka wa ta'ala yadlimu ahadan. Il doit avoir la certitude que Allah ne fait pas du tort à quelqu'un. Wa annahu idha taba wa raja'a ila Allah tabaraka wa ta'ala, et qui ceci se répand et revient vers Allah, anna Allah sayaqbalu tawbata, que Allah va accepter son repentir. Wa anna Allah ghafurun rahim, Allah est pardonneur et miséricordieux. Voilà, yaknut min rahmatillah. Il ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Fahiya wasi'atun. La miséricorde d'Allah est vaste. Tasa'uhu wa tasa'u ghayra. La miséricorde d'Allah l'englobe lui et englobe les autres. Ensuite, l'auteur du livre dit wa yatubu ilay. Il se répand vers Allah. At-tawba, dans la langue arabe, c'est ar-rujou. C'est le retour. Wa fi shara, dans la législation, ar-rujou an ma'siyatillah, retourner, délaisser les désobéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala ta'atihi, vers son obéissance. Wa laha shurut. Et la tawba a des conditions. Ash-shartul awwal, la première condition, al-ikhlas, c'est la sincérité. Bien takun at-tawba, que le repentir, ibtigha wajhi Allah tabaraka wa ta'ala, doit être de chercher le visage d'Allah. Je me répands pourquoi? Je me répands pour me rapprocher d'Allah, pour délaisser mes péchés. N'est-ce pas? Ashartu sani an-nadam. Il doit regretter. Ay an yandama la fi lima mada. Il doit regretter de ce qui a passé, min ma'asi wa zunub, des désobéissances et des péchés. Ashartu salis. La troisième condition, al-iqla an-izam. De laisser complètement le péché. Al-ladhi taba min. Dont il s'est repenti de ce péché-là. Fala tanfa'u tawbatan. La tawba ne sera pas profitable. Wa anta baqin ala fi'li dam. Pendant que tu es toujours sur le péché. Comme at-tawbatu kadiba. Les gens qui font tawba. Mais dans sa tête, en tout cas, si Allah lui facilite encore, il va revenir. Ah, il va revenir. Ou bien d'autres, c'est quand ils sont incapables de faire le péché qui dit bon, à tout bout, il a voir. Parce que là où c'est arrivé, si je ne me réponds pas, on ne sait jamais. À lui, il se répond parce qu'on ne sait jamais. Il peut mourir la même nuit. Hein? Qu'Allah nous préserve et nous guide enfin sur le droit chemin. Et j'ai donné l'exemple de cela dans l'une de mes interventions, par celui qui est éprouvé par le fait de regarder les muharramat, les choses interdites. Et bon, au moment où il s'apprête vraiment à le faire, il voit qu'il n'a plus de connexion. Il cherche, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de réseau. Il dit bon, ça là, il faut que je me réponde. C'est pas facile. Il se répand. Mais c'est dans sa tête que demain, si la connexion, il va gâter le coin. Ça nous préserve. Donc, faman kana yashrabu al-khamra, celui qui boit l'alcool, wa yaqulu astaghfirullah wa atubu ilay. Il dit je demande pardon à Allah et je me répands. Cela ne sera pas correct de lui tant qu'il reste sur l'alcool. Bal yajibu tarka hadha dhanb, c'est obligatoire qu'il laisse le péché, wa daraddul huquq, et retourne les droits li ashab aw ghasb, dérobé aw ma shabaha, ou tout ce qui ressemble à cela. Fa wajaba alayka an taruddal huquq li ashabiha, tu retournes les droits aux ayants droit, à ceux qui ont les droits sur toi, li tuqbal at-tawba, afin que la tawba soit acceptée. Ashartu ar-rabi' al-azm. Prends la décision, résolution ferme. Ala adam il-awda. De ne pas revenir sur le péché. Ila hadatam. Tayyib. Ashartu al-khamis. La cinquième condition. Antakuna tawbatuhu. Que ta tawba soit. Fizaman iqabuli tawba. Dans le moment d'acceptation du péché. Et afin de repentir. Fa inna laha zamanun. Car. La tawba à une époque, tukbalufi, dans laquelle elle a accepté. Zamanun aam, s'il y a une époque qui englobe tout le monde, yashariku nas jami'an fi. Tout le monde s'associe à cela. Wa huwa antatlu ash-shamsi min maghribiha. Si le soleil sort de son coucher, c'est fini. Ça, c'est tout le monde. La tawba de quelqu'un ne sera pas acceptée. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Wa zamanun khas, il y a une époque spécifique pour chacun. Le kul asin wa muznib, et toute personne qui fait le péché, wa huwa qabla al-gharghara, C'est avant la gargara, avant que l'âme ne quitte, avant que l'âme ne soit sur le point de quitter le corps. Aïnda khuru di ruh, lorsque l'âme est en train de sortir. Faïza wasala l'abdu ila darajat il gargara, si le serviteur arrivait au degré de gargara, la tuqbal minhu tawba. Le repenti ne sera pas accepté de lui. Kamaja fil ahadith sahiha, comme c'est venu dans les hadiths sahih. Pharaon a dit amantu bi rabbi Haruna wa Musa. Elle dit Al Ana wa qad asayta min qablu. C'est maintenant tu te répands. En ce moment, c'était arrivé à Al-Gharghara. Il a balagati Hulqoum. Qala al-muallif rahimahullah. Wa yatakhallas min kulli ma alay. Il se débarrasse de tout ce qui est sur lui comme droit. Ay yatakhallas min kulli ma alay min huquq. Il se débarrasse de tout ce qui est comme droit sur lui pendant qu'il est dans al-ihtidar. Tayyib min daynin, parmi les dettes, ou wadi'a, ou ben dépôt, ou ghasb, ce qu'il a dérobé, ou ghayriha min huquq al-ibad, et autre que cela parmi les droits des serviteurs. Yatakhallas minha kullaha. Il se débarrasse de tout. Imma biraddiha ila ashabiha, soit il retourne aux gens qu'il a pris pour eux, ou bi kitabatin wasiyatin bizalik, ou bien il écrit un testament. Wa inna li kulli shakhsin haqqan, car chacun a un droit, sayutalibu bihi amam Allah. Il va demander son droit devant Allah subhanahu wa ta'ala. Fala budda idan min at-takhallusi, il faut se débarrasser min al-huquqi, des droits, et tabra'u zimmataka, afin que tu sois innocent. Wala yutalibuka ahadun bi shay, et que personne ne te demande quelque chose bayna yadayillah, devant Allah. Hadi kulluha af'alun, voici tout cela, ce sont des actions, tu fa'alu wa yusannu fi'luha fi bidayati hal al-mayyit. C'est des choses qui est préférable de faire au début de la situation où le mort il sent qu'il est en train de quitter la dunya. Imma inda al-ihtidar, soit c'est au moment ou bien ba'd al-maut, ou bien après la mort, wa qabla al-bad'i bi taghsil, après avoir avant de laver le corps, on se met à faire cela, summa ba'da zalika yubda bi taghsil, et ensuite on commence à laver le corps. Allah nous préserve. Donc inchallah, le chapitre prochain, nous allons voir directement ghusl al-mayyit, comment laver le corps, et c'est très important. Qu'Allah nous préserve et qu'il nous guide sans fin sur le droit chemin, qu'il nous fasse vivre dans son obéissance et qu'il nous écarte de ses désobéissances, qu'il nous accorde une longue vie dans son obéissance et qu'il nous accorde une bonne fin et qu'il fasse que notre dernière parole soit la ilaha illallah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.